nous ferait presque oublier que tu as refusé d'ouvrir ce home à des gens dans le besoin. Les raisons de ce refus sont techniques et financières, nous dis-tu. Financières, il te faudrait donc 1 million d'euros pour une occupation qui ne durera pas plus de 2 ans. Mais dis-moi, mon petit Calite, combien vas-tu dépenser pour le gardiennage 7 jours sur 7 pendant 2 ans? À mon avis, peut-être pas 1 million, mais on n'en sera pas loin. Mais parlons en dessous, visiblement, tu n'en manques pas, puisque tu vas quand même trouver 300 000 euros pour des projets de mixité sociale et culturelle. Alors, sur le fond, la culture et la mixité, c'est bien. Mais si c'est pour faire venir des bobos dans les quartiers populaires comme les touristes sexuels vont en Thaïlande, c'est pas la peine. Les quartiers populaires ne sont ni à prendre, ni à vendre. Avant que nous nous quittions, Calite, je te rappelle que tu es toujours en infraction au niveau de la Cour des comptes pour tes dépôts de mandat de l'année 2007. C'est le site Cumuléo qui me le dit. Un oubli sans doute de ta part. Pour finir, devant tout l'amour que j'ai pour ton talent d'acteur, je te demande une dernière chose. Avec tes 21 mandats, dont 9 rémunérés, et ton salaire estimé à entre 117 000 et 207 000 euros bruts par an. Pour rappel, ton prédécesseur, Mme Peretta, était à 204 000 euros bruts par an. Tu peux nous aider à financer la cloche de bois. Tu peux nous envoyer un mail à lacloche-de-bois@rise.net. On t'expliquera nos besoins et on te donnera notre numéro de compte. Si tu ne nous aimes pas autant que nous t'aimons, tu peux toujours aider les copains de la 404 qui, eux, en ont bien besoin. Et notre copain Titi va nous l'expliquer. On va s'écouter un petit sujet. C'est Rim de la 404 qui explique l'expulsion récente. Alors, la 404, c'est une école, une ancienne école qui est située à Scarbec, près des docks. Et en fait, c'est un lieu. Cette école, elle date de 1916. Elle va être détruite pour construire un Lidl, soi-disant des logements, et surtout enfouir des déchets plus dangereux. Donc, c'est vraiment ce qui est écrit sur le plan. Nous, on occupe cette ancienne école qu'on a renommée l'école 404. Depuis mars 2020, on est en avril 2021, donc ça fait une année que voilà, cette école elle était occupée. Donc il y avait un collectif qui s'est installé avant le confinement, il y a des personnes qui étaient hébergées aussi, des personnes sans papiers ou des personnes réfugiées. Ici on essayait de faire un lieu un petit peu en autonomie, en autogestion, donc il y avait un atelier vélo, il y a effectivement le quartier, des enfants qui venaient réparer un peu leur vélo gratuitement, un atelier à bois, un atelier métal, un atelier de couture, un atelier de peinture. Il y avait aussi une salle boom room où on a pu faire des open mic, où on faisait aussi les samedis des cours de capoeira avec l'association Zingoleiros do Mar. Les vendredis, il y avait l'association Hope Forever qui venait préparer 400-500 repas pour faire des maraudes après. Il y avait un atelier, il y avait un cinéma, une salle de projection où on a fait du cinéma décolonial, une programmation décoloniale et une programmation queer. Ça, c'était en février. Voilà, c'était un lieu, un labo photo aussi. C'est un lieu qui s'est construit vraiment avec nous en termes de rencontres. On essayait de garder une ligne idéologique féministe, décoloniale, progressiste, de récup et de refaire avec les choses. Il y a aussi des gens qui étaient vraiment militaient à fond sur les sujets anti-5G, ces questions-là, les questions écologiques aussi. Enfin, c'était un terreau de plein de militants différents qui prenaient les choses sur différents bords. Et voilà, en fait, l'histoire de la 404, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incendies. Et là, le dernier en date, c'est samedi. C'est l'incendie qui a été l'expulsion aussi, donc de la 404, le gymnase, donc le lieu un petit peu central de l'école, a été mis en feu à 7h30. Donc nous, on n'a aucun doute sur le fait que ce ne soit pas une cigarette qui ait mis le feu à un gymnase aussi grand. Voilà, on avait la date de partir au 1er mai. Donc en fait, les choses, elles tombent vraiment très bien pour le propriétaire. Donc c'est assez difficile de dire qui c'est. Ce que moi je peux dire, c'est que c'est pas accidentel, malgré ce que disent les pompiers et malgré le rapport de police. Donc on est sorti. La police nous traitait en mi-victime, mi-coupable, mi-responsable, mi-merde, parce que un squat, de base, vous avez rien à faire là. Enfin, il y avait un peu de ça. Après, ils nous ont parqués à des endroits, ils nous ont ramené un bus soi-disant pour qu'on rentre dedans. Ils nous ont pris une déposition. Ça a été fait dans un café de l'angle. Même pas les policiers ont remercié la personne du café d'avoir servi quand même de commissariat pendant une heure pour prendre toutes les dépositions des gens. Ils ont éteint, donc les pompiers de leur côté ont éteint le feu. Et puis après, c'était le moment où on avait le droit de récupérer les choses vraiment essentielles. Et c'est là qu'en fin de journée, deux des cohabitants de la 404 sont fait vraiment agresser par la police. Ils venaient récupérer leurs valises. Et puis les mecs là qui sont, comment on appelle ça, avec le masque, tu sais, un peu en tête de mort, là, gris, je ne sais pas si on repère. Bah, y en a un qui est monté sur, sur deux de nos copains et qui l'ont mis à terre, menotté, amené en garde à vue, puis relâché parce qu'en fait, il n'y a rien. Et moi, j'avoue que c'était une journée où je me disais, ça me fait pleurer, ça me rend triste de me dire que des lieux déjà tellement fragiles, qui essayent de faire délicatement, de déconstruire des choses, d'être inclusif, de réfléchir ensemble, tout ça, et d'un coup qu'il y a le feu, que ça restigmatise ces lieux qui sont déjà, ouah, c'est des squats, ça brûle, encore une histoire de... Je vous le dis, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est de me dire encore un lieu délicat et tout petit qui essaye de faire de briques et de broc et qui subissent une stigmatisation de plus avec le feu, voilà, le voisinage, la police, les pompiers, enfin tout le barda. Et en termes de soutien, on a eu vraiment beaucoup de soutien des camarades, que ce soit les personnes des radios, que ce soit les personnes de la capoeira, que ce soit les personnes de l'association, que ce soit des amis, copains, de plein de lieux différents, de squats, et aussi pas de squats. Vraiment, aujourd'hui, on a une journée pour faire tout le déménagement et les gens sont là à nous aider, donc un grand merci. Et après, en termes d'aide vraiment de un peu en haut, il n'y a personne qui est venu, la commune, il y a eu un ou deux échevins qui sont venus, bonjour, ça va. Mais personne ne nous a dit, ok, bon, ce soir et pendant la semaine, vous allez dormir là, c'est horrible incendie, reposez-vous à tel endroit, vous pouvez poser vos affaires là. Il n'y a pas eu de cette chose-là. Ah tiens, il y a une aide de cellule psychologique, rien de proposé. Donc moi, je dirais que, voilà, là, maintenant, on se dit, ok, il faudrait demander ça. Et quand on demande, ils disent, ah oui, la police a une aide. Mais en fait, c'est vraiment traité... Pas comme des citoyens ou citoyennes ayant des droits et ayant vécu un choc, un traumatisme. C'était horrible, on aurait pu signer n'importe quoi à ce moment-là. Voilà. Ne nous écoutez pas, rejoignez. Chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute. C'est de nouveau Jeannot pour la suite des news. Sur ces nouvelles un petit peu tristounettes, je ne vais pas vous remonter le moral parce que le nombre de sans-abri a augmenté de près de 30% en 3 ans à Bruxelles. On y voit d'ailleurs de nouveaux profils émerger. La Fondation Roi Baudouin a fait une étude à ce sujet et précise que dans les nouveaux profils qu'on voit émerger au niveau des sans-abri, ce sont notamment des jeunes et on voit aussi de plus en plus de femmes avec enfants. En ce qui concerne les jeunes, les conflits familiaux sont particulièrement présents et les violences intrafamiliales touchent aussi plus de femmes. Les sans-abri ne dorment pas toujours dans la rue et vivent plutôt chez un proche. L'augmentation touche aussi toutes les grandes villes de Belgique. À Bruxelles, près de 48 000 familles sont toujours dans l'attente d'un logement social et la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer le phénomène. Les plus précaires là-dedans, c'est la classe moyenne qui va se casser la gueule dans les semaines et les mois à venir. Elle qui se croyait protégée. C'est ça qui est terrible pour cette classe moyenne, est-il précisé dans ce rapport de la Fondation Roi Baudouin. On précise aussi qu'il n'y a aucun contrôle des politiques et des autorités sur la hausse des loyers. Je vous en avais parlé lors de la dernière séance d'info de la cloche de bois. Il y a des choses qui se mettent en place, mais ce n'est pas encore fait. Alors, dans ce rapport de la Fondation Roi Baudouin, il est aussi précisé que le nombre d'enfants mal logés a explosé en 2 ans à Bruxelles. Bruxelles compte plus de 5300 personnes sans abri et mal logées en 2020, une augmentation de plus de 30% par rapport à 2018. Le rapport de Bruxelles Help relaie aussi un autre chiffre qui est très interpellant. Le nombre d'enfants sans abri ou mal logés passe de 612 en 2018 à plus de 930 cette année. Heureusement, par rapport à ces fatalités, il y a des gens qui se mobilisent. Et le 28 mars dernier, à l'occasion de la journée d'action pour le droit au logement, un immeuble situé avenue Louise et rue de Livourne, juste à l'angle de la rue, a été occupé pour assurer un logement stable à des personnes avec et sans papiers, en quête de tranquillité et d'équilibre dans de nombreuses familles avec enfants. Il s'agit de la sixième occupation de la campagne de réquisition solidaire qui annonce aussi la fin de la campagne. Fin de la campagne, me direz-vous. Mais oui, malheureusement, ils ont précisé dans un communiqué que depuis le mois de décembre 2020, de nombreuses personnes ont mis en commun leur énergie afin de faire vivre la campagne de réquisition solidaire. Face à l'urgence sociale et sanitaire, ils voulaient apporter des solutions directes, concrètes, efficaces. Ils pensaient pouvoir affirmer qu'ils ont réussi, et je le pense aussi. En effet, ce ne sont pas moins de 6 bâtiments qui ont été réquisitionnés, dont 4 qui permettent aujourd'hui à plus de 450 personnes de se loger. Dans cette dynamique, ils revendiquaient, et revendiquaient encore, le droit à un logement digne, le droit à avoir des papiers, la fin de la spéculation immobilière et des logements vides. Bien sûr, ils n'ont pas réglé tous les problèmes. Mais ils savent aussi que les occupations en elles-mêmes ont fait entendre notre voix. Plus de 50 organisations de la société civile les ont rejoints pour affirmer que les actions, bien qu'illégales, étaient justes et surtout nécessaires. Ils ont réussi à confronter les pouvoirs publics à leurs contradictions et leur incapacité à garantir ces droits fondamentaux au logement et à la dignité pour toutes et tous. Pendant tout l'hiver, ils ont fait un travail que les institutions publiques sont censées assumer. Alors que les chiffres officiels confirment l'explosion du nombre de sans-abri, comme je viens de vous le dire, et de mal logés à Bruxelles, l'auto-organisation et l'action directe se sont révélées être plus efficaces que les politiques institutionnelles. C'était une question de volonté, avant tout. Parce que c'est bien une absence de volonté qui est à l'œuvre. En témoignent les divers bâtiments publics qui ont été occupés. En témoigne aussi la répression subie lors de l'ouverture du Pacheco. Et là, je fais la bise à mon meilleur ami, M. Zayan, à la solidarité et à la possibilité de logement pour les plus précaires. Les acteurs publics préfèrent souvent des projets de gentrification. Et quand les institutions acceptent, contraintes et forcées, les solutions de la campagne de réquisition solidaire, la répression fait place à la récupération opportuniste. Ils n'ont toujours pas digéré les communiqués mensongers, et nous non plus d'ailleurs, des communes concernant le relogement des personnes expulsées du bâtiment d'action d'Amiens, dans celui géré par Citydev à Molenbeek. Ni répression, ni récupération, ni instrumentalisation. Nous, ils l'affirmeront systématiquement. Pour ces raisons, la campagne de réquisition solidaire a pris la décision de clôturer cette campagne, ou plutôt de la transformer. Ils restent mobilisés et déterminés, ce qui est une bonne chose, mais ils mettent en pause l'organisation et la médiatisation des grandes actions de réquisition. Ils veulent désormais sortir des radars et favoriser la décentralisation et la multiplication des actions. Il est plus que jamais nécessaire qu'ils continuent à soutenir des ouvertures, à occuper des bâtiments vides, à se battre contre la spéculation immobilière et contre les expulsions, pour l'expropriation des multipropriétaires, pour la baisse des loyers, pour que chacun et chacune puisse se loger et continue à se mobiliser pour la régularisation de toutes et tous. Ces revendications ne sont pas nées avec la campagne, elles ne cesseront donc pas d'exister. Appelons chaque personne à s'organiser afin de se faire entendre. Face au risque de répression et de récupération, ils sauront toujours se rendre insaisissables. Soyons nombreux et nombreuses à saisir les pieds de biche. Rassemblés ou dispersés, il n'y a aucune raison que notre motivation se fane. Nos combats continuent. Par rapport à ça, j'en terminerai sur cette dernière nouvelle, mais je vous demanderai si vous avez fait partie d'une association, si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous avez des choses à dire dans cette rubrique Actu, d'envoyer un mail à destination de Jeannot, à la cloche de bois @riseup.net, à la cloche de bois @riseup.net, et je me ferai un plaisir lors de la 8e édition de la cloche de bois d'en parler dans mes infos. Merci, la bise et à bientôt. Définir la zone à défendre, défendre la zone à définir, se détendre, s'épandre de ceux qui menacent de s'évanouir. La terre ne saurait nous appartenir. Apparemment les clichés persistent, l'argent président de l'empire. Mais y'a bien peu de temps et trop d'adeptes du temple. Rester assis à regarder mes mecs décrépir, les rides creusées à coups de pelleteuse. Tu m'étonnes, des tonnes de barricades entonnent le chant des révolutionneuses. La vie est triste et rieuse, la biomasse suffoque sous le masque, la mascarade s'évade d'un paradis fiscal. L'enfer est un paradoxe dans un monde à l'envers du décor, l'endroit où l'on vit se meurt. Est-ce qu'on a peur du vide? Addiction au confort, oppression subtile, le meilleur des mondes pour nous faire jouir du nombril. Révolution cadrée par la milice, occupation publique de l'espace pour aider l'espèce à mieux vivre sans mourir. Des colonies de singes se félicitent pour la globalisation des tumeurs de surface. L'astre pleure en coulée de goudron, pendant que l'avenir pisse sur nos places. Début des soins palliatifs, des personnes s'activent, frottent à bout de cœur ce qui pourrait pousser l'espoir et l'extase à étouffer nos métastases. Sûr qu'un nouveau centre commercial insuffle un peu de vie au dernier râle de mère nature. Les derniers arbres en sépulture témoigneront de la rupture. Merci à toi qui boycotte et sabote la machine, occupant du droit commun, secouriste à l'improviste issu du grand public. Les barricades et les cabanes poussent dans les arbres au fur et à mesure que les dictatures se pavanent. L'État ploie sous le poids des chiffres. Protéger, servir, disait la police. Vas-y, résiste à la pression de l'Empire. Tu verras tes impôts servir le bras armé de sa milice. Dégagé par la force de la farce, comme un tas de compost dans ta face, aux encombrants la riposte. Place nette pour que résonne le chant des tronçonneuses après celui des Amazones. 10 contre 1. C'est dire à quel point les flics flippent de nos petites mains. Le courage fait trembler les menaces pour faire place nette dans la recette. Certains mettent le vivant à la casse. Après la mort pousse la casse des bars, des champs de grande surface. Après la mort pousse la casse des bars, des champs de grande surface. Et c'était le B118 en direct de Radio Air Libre pour La Cloche de Bois. On continue avec Thomas et Piron, un autre genre, un autre style. Thomas et Piron partout, nature nulle part. Message posté sur Inimedia Bruxelles le 27 mars. Nous, jeunes sacrifiés par la croissance et le capitalisme, avons décidé de répondre à vos actes. Le CDH et IDLux s'autogratule d'avoir ramené de la sérénité et qu'il n'y a pas eu de heurte ou de violence. Mais si la violence n'a pas été physique, elle a été d'une violence incroyable au niveau psychologique. Vous avez détruit la ZAD en défonçant les chemins et littéralement arraché tous les arbres de la zone basse. Vous avez saccagé la zone basse et détruit les maisons, jetant les gens y habitant à la rue. Et pourtant, Pendant ce temps-là, Thomas et Piron jubilent dans l'ombre. Ils vont enfin pouvoir lancer le projet de bétonisation. Un de plus. Vous êtes partout, tapis dans l'ombre, construisant des projets destructeurs du vivant à tour de bras. Apparué pour une bretelle de zoning, au bois d'Affroy à Liège, à Berzé pour construire 12 bâtiments, à Boncel pour un éco-quartier, à Sarthe-Tillmann pour un autre éco-quartier, à Arlon pour l'éco-quartier, encore un, de Chopach, à Mons avec des appartements de standing, à Woluwe-Saint-Lambert pour Rive 77, à Ewaï pour le lotissement Bellecroix, 150 maisons, à Louvain-la-Neuve avec le quartier Courbevoie. La liste est longue, trop longue, et très loin d'être exhaustive. Mais l'impunité est finie. Vous avez déclaré la guerre aux vivants et donc aux générations présentes et futures. Mais nous sommes le vivant qui se défend. Et notre colère est grande et sourde. Jeudi 25 mars, 10 jours après l'expulsion lâche de la ZAD d'Arlon, des ombres ont laissé des messages sur les bâches de chantier du futur palais de justice à Namur, un autre de nos ennemis. Laissant derrière elles des ZAD partout, les Libérés Kevin, les ACAP, All Kevin are beautiful, et autres messages en soutien aux copains de la ZAD. Cette action est un premier pas, d'autres viendront. Nous appelons toutes les personnes qui n'en peuvent plus de ce monde où la solidarité, la joie et les interactions n'existent plus, à mener des actions envers cette entreprise championne de la bétonisation et de la mort du vivant, à mener des actions en fonction de ses capacités. Pétitions, interpellations sur les réseaux sociaux, pièces de théâtre sauvages, inondations des mails, chansons, affichages, recours en justice, poèmes, blocage de chantier, tag, sabotage. Laissez votre imagination s'exprimer au gré de vos envies. Contre Thomas et Piron et son monde. Soutien aux copains de la ZAD d'Arlon. ZAD partout. Vive l'anarchie! Ça, c'est moi qui l'ajoute. C'était un vieux recording retrouvé sur YouTube de Détritus au Carlo Levi de Liège avec moi-même en honneur à Sartre, la super chanteuse de ce groupe qui n'est malheureusement plus là. Mmh. Mmh. Alors, on en avait déjà parlé dans le deuxième épisode à la cloche de bois sur les raisons de l'occupation de la ZAD de Harlon. Donc, on va pas y revenir. Et là, on va se centrer sur si vous pouvez raconter comment s'est passée cette expulsion qui a eu lieu là récemment, l'expulsion de la ZAD. Moi, j'étais présent. À 5h du matin, on s'est fait un petit peu réveiller violemment. Le fait que, malheureusement, je croyais que c'était un rat qui me courait dessus. Mais non, c'était un mollet qui était au-dessus. Donc, c'était la police habillée en militaire. Parce que pour moi, c'est des militaires, des termes bien précis. Ils nous ont mis des armes automatiques sur la tête, avec la tête couverte au niveau des sacs de couchage, pour pas qu'on puisse les voir. Des menaces sans arrêt de qu'on pouvait pas les regarder. Ils nous ont même fait un petit chant de guitare. Hein, pour le fun, et pour un peu nous ennuyer. Maintenant, on a été sortis de la cabane, arrivés à l'abricot, on était colsonnés, convenablement la tête vers le bas, la tête camouflée. On a été amenés à l'abricot. De l'abricot, on a attendu qu'ils se positionnent avec l'écart, et que tout le monde soit bien ensemble, et vérifier qu'il n'y ait plus personne sur zone. Quand je me suis fait menacer, moi, on m'a demandé combien de personnes il y avait. Malheureusement, je lui ai donné un chiffre qui était complètement faux. Rien que pour moi aussi un petit peu quand même décompressé, qui m'a fait d'ailleurs du bien. On a été emmené dans l'écart, refouillé à plusieurs reprises. Mis dans l'écart, on a été transféré en garde à vue au niveau du commissariat d'Arlon. Là, on a été dispatché deux par cellule, les femmes ensemble et les hommes par deux. Donc, comme il y avait deux femmes, elles étaient ensemble. Au niveau médecin, on a eu ce qu'il nous fallait parce qu'on a demandé, parce que j'avais une blessure à l'épaule. Maintenant qu'on a été retransféré après 10 heures de garde à vue, on a été transféré sur plusieurs commissariats dans les parages. Et moi, j'ai fini à celui de Bastogne. Là où d'ailleurs j'étais en compagnie d'une autre personne féministe qui était avec moi sur le lieu, où on l'a maltraité, tiré par les cheveux, hors du combi, où j'ai eu une réaction, et où le policier m'a dit, après ce sera ton tour. D'où j'ai fini mes deux dernières heures de garde à vue, complètement nu, sans chauffage, sans couverture. Je n'ai même pas pu me laver les mains avant de prendre les transports en commun, en sachant que j'ai un toc. Et ça, c'est la chose qui m'a marqué. Maintenant, je ne vais pas parler au nom des autres, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus perturbés au niveau de l'intervention qui était trop grosse pour ce que c'était. Justement, par rapport à ça, vous pouvez un peu raconter de qu'est-ce qui avait été déployé au niveau policier, répressif, pour cette expulsion ? On a eu 150 policiers ou militaires sur la zone, uniquement, avec chars blindés, bariolés. Quand on est sorti, on a vu qu'il y avait un dispositif de 700 policiers avec des cars sur toute la rue. Les deux autres rues complètement bloquées de cars de CRS, donc de police fédérale. Deux gros blindés de la police fédérale, plus une grue. Ça a été des choses où on ne pensait pas avoir autant de dispositifs déployés pour une forêt. Et surtout que maintenant on est catalogué comme éco-terroriste pour avoir protégé une forêt. Donc, pas d'accord. Oui, précisons quand même que du coup c'est un sacré budget, une intervention pareille pour déloger 10 défenseurs et défenseuses d'un site naturel. Du coup, vous étiez 10 et il y a une personne qui est restée, qui est toujours incarcérée. Peut-être un mot sur Kevin. Le frérot s'est fait interpeller d'ailleurs en slip dans sa tente, sorti comme ça. Maintenant, il a eu droit à mettre quand même un pantalon et avoir une veste sur le dos, donc il est en torse nu. Et il y a une histoire où on ne sait même pas s'il y fait partie, on ne sait pas. Une histoire de quoi ? De blocage d'autoroute, voilà. Personnellement, moi, je n'ai rien vu, donc je ne peux pas et je ne pense pas que c'est un garçon qui pourrait voilà, aller faire une chose pareille. Même que, soi-disant, qu'ils ont des photos, chose que je doute. Maintenant, ben ouais, ben on va rester là pour l'épauler, on ne le lâchera pas. Et maintenant, il a 24 ans, le garçon, ben on le met en prison pour qu'il puisse parler des choses qu'il ne sait même pas ou qu'il ne connaît peut-être pas. Ouais, en fait, il a pris, du coup, d'abord, il est resté en garde à vue pendant plus longtemps pour ce qu'il le soupçonnait d'avoir participé à une entrave méchante à la circulation, c'est les termes juridiques, et il s'est pris des suppléments d'enquête de 28 jours. Du coup, pour ce cas-là, et association de malfaiteurs. C'est un peu les deux choses sur lesquelles on l'accuse. Et en fait, ils le prennent en supplément d'enquête parce qu'ils décidaient de ne pas répondre aux questions. Et voilà, donc je pense qu'ils ont décidé de vouloir prendre le temps de pouvoir lui poser plus de questions et d'aller approfondir un peu, lui mettre un peu plus la pression pour essayer de le faire parler. Du coup, il est quand même en détention pour complément d'enquête, a priori. Enfin, ils auraient pu aussi le relâcher et puis le réinterpeller dans les compléments d'enquête ou bien, je sais pas, moi, enfin, il était pas obligé d'être emprisonné, en fait, dès maintenant. C'est quand même, c'est quand même la personne, sans doute, elle est allée se coucher la veille au soir en se disant, voilà, et puis en fait, le lendemain, t'as vu, prends une tournante tout autre, finalement, tu fais un mois de tôle, et tu te fais sortir de ton pieu avec des armes sur la tête, quoi, enfin... Donc, ouais, en fait, la violence de cette intervention, elle est énorme, quoi. Malgré ce que dit la commune, les organisateurs, du coup, de l'expulsion, quoi. En fait, il n'y a pas eu de heurte. Bah, en fait, oui, si tu viens soulever 10 personnes qui dorment, enfin... Mais la violence n'a pas été physique, elle a été psychologique. Parce que maintenant, ils s'attaquent à des choses qui sont... très psychologique pour nous, notamment les familles, les amis. Ils viennent attaquer là-dessus, avec rien, juste pour mettre un coup de pression psychologique et foutre les gens plus bas que terre. Voilà. Et du coup, par rapport à l'expulsion, comment s'est passé le rapport justement avec la commune, Idélux, la presse, tous les gens qui vous soutenaient pas trop? On va dire. Et puis aussi, comment ça s'est passé justement avec les gens qui vous soutenaient, que ce soit à Arlon ou dans les alentours ou même bien plus loin, puisqu'on en parle un peu partout dans le monde. En tout cas, du côté de nos opposants politiques, on a vu par exemple Magnus faire une petite conférence de presse avec un grand sourire sur le visage. Ça faisait plus d'un an et demi qu'on n'avait plus vu parler avec un si beau sourire. Je crois qu'il devait être... Un petit big up quand même, hein. Ça casse, hein. Et du petit hibou aussi, hein. Ouais, il était soulagé. Il était très soulagé. Idélux l'a pas beaucoup plus affiché. Je pense qu'il voulait pas non plus se mettre trop en avant. Notamment, je crois que c'était Velux qui est revenu sur une interview de Ludo Villiers et Fabien Collard. Là. Non, une interview bien scandaleuse en fait, où finalement. Et voilà, ils expriment leur soulagement. Quand on leur pose la question, est-ce que la ZAD a quand même suscité des réflexions chez vous, des remises en question, ils ont même réussi à sortir que non, parce que selon la manière dont est façonnée l'intercommunale, en fait, elle est déjà parfaite en termes de greenwashing, en fait. Et c'est vrai. Enfin non, elle n'est pas parfaite parce que bon, ils ont quand même la prétention de vouloir créer une réserve naturelle qui va nécessiter de tout raser quand même au préalable, et puis finalement de générer de la main de l'homme, comme s'ils étaient des dieux, avec l'aide du DNF, une réserve humide. Enfin, qu'est-ce que ça va donner à l'endroit de la zone le moins intéressant, le long de l'autoroute, où il y a une vieille canalisation d'évacuation des eaux des routes. C'est vraiment atroce. En fait, à mon avis, ils avaient une temporalité à respecter par rapport aux différents projets, parce qu'il y a différents projets pour cette zone. Le premier projet, c'était du coup la station de gaz CNG. pour qui donc va servir de comme carburant pour des voitures que personne n'emploie. Et au final, ils ont dû faire respecter un peu leur timing, à mon avis, par rapport à ce projet, parce que sans doute il y avait déjà de l'argent investi et autres. À partir du 1er avril, en plus de ça, il y a une législation qui... Alors, je sais même pas s'ils y sont, en fait, finalement, vraiment concernés, parce que... Enfin, voilà, on faudrait peut-être vérifier là-dessus, même eux, je sais pas. Mais bon, Magnus a dit que donc ils avaient cette législation pour la nidification des oiseaux à respecter, et en fait, à partir du 1er avril, c'est interdit de couper les arbrisseaux. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Ben, ils ont expulsé juste avant cette date-là. Et là, actuellement, ils ont posé une horrible clôture qui a nécessité de couper donc toutes les haies de la partie de la zone basse, où en fait, on avait des espèces en danger, en fait, qui étaient hébergées, notamment l'Hippolaïs polyglotte, en fait, qu'on reverra sans doute jamais, c'est un oiseau. Ben, et sans doute qu'il vivait aussi dans ces haies, quoi. Et en fait, expulser la ZAD pour faire leur premier projet, en fait, ça. C'est un peu horrible parce que du coup, ils sont en train de détruire tout le reste du site pour dégager l'occupation. Et finalement, même concernant la contestation du zoning, qu'est-ce qui restera comme argument puisqu'ils ont défoncé tous les autres écosystèmes, quoi. Après, niveau soutien, on a vu une vague un peu de soutien qui a réémergé un peu dans tout le pays et même depuis l'extérieur du pays. On a vu, depuis des tags, des banderoles, des affiches... Ils ont ZAD partout, soutien aux copains incarcérés qui sont apparus à Liège. Il y a eu des rassemblements à Liège, Namur, Bruxelles, Arlon. D'ailleurs, on a eu des chaussettes. Les gens nous ont pensé à nous apporter des chaussettes. À la sortie de la garde à vue. Ouais, ça m'a marqué. Ouais, on a même vu à Nantes, parce qu'en fait, la ZAD du Carnet s'est fait expulser pas longtemps après. Ouais, et il y a vraiment... tout un mouvement qui s'opère de la France à la Belgique, qui marque son soutien. À la Suisse, à partout. En Suisse aussi. La ZAD est partout. Et, ouais, donc ça, en fait, d'une certaine manière, ça a aussi resserré des liens. Si on doit voir aussi certaines choses que ça a pu créer, c'est qu'en fait, ça a permis à pas mal de gens qui étaient dispersés dans le territoire et qui ne se voyaient pas, qui avaient juste... cette ZAD, la porter au fond du cœur parce qu'ils y avaient passé un week-end, une semaine ou plus, et qui d'un coup se sont dit « mais non, en fait, on est tous et toutes pas d'accord », et en fait, on a tous très mal vécu cette situation. Et en fait, les soutiens sont quand même montrés de partout, même si il y a encore une certaine timidité et qu'il y a un deuil qui est encore en train de se passer, mais on sait bien que la colère, elle gronde un peu partout et qu'on en voit déjà des prémices arriver. Mmh. Surtout que la répression n'a pas de limite. Et le contexte de cette ZAD aussi est peut-être, enfin, est celui que je vais donc expliquer. Je ne sais pas s'il est tant différent que ça des autres, mais donc il y a eu une première pétition contre le projet du zoning, mais qui a été réalisée très tôt puisque en fait les démarches pour obtenir le permis et autres en fait n'étaient pas vraiment, n'avaient pas encore abouti du tout, Il y avait peut-être eu déjà des consultations publiques, etc. Mais bon, ils en sont encore à peu près nulle part pour leur zoning. Et donc, cette pétition a été complètement niée par les autorités locales. Et finalement, c'est comme ça que la ZAD s'est implantée, quoi. Et puis finalement, la ZAD maintenant a été démantelée telle qu'ils ont... C'est ce qu'ils disent. Et en fait, il reste encore tous les processus, en fait, légaux qu'ils vont devoir mettre en place pour obtenir leur permis et faire le zoning. Et en fait, sans doute qu'ils étaient inquiets et angoissés d'avoir une bande de gens au milieu de la forêt qui contestaient avec leurs moyens ce projet et luttaient pour le territoire. Autant, je pense qu'ils vont peut-être pas vraiment bien dormir dans les prochains mois et prochaines années à venir aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'attaquer encore à la chose et d'autres manières, et ça va peut-être pas les faire rigoler non plus, en fait. Mmh. Surtout que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont démantelé un territoire, ils ont démantelé des cabanes, mais absolument pas l'idée qu'il y avait derrière. Et bien au contraire, d'ailleurs, depuis, en fait, on voit une quantité de gens qui envoient des messages et disent « Ah, mais ici aussi, il y a une bonne raison de faire une ZAD, ici aussi. » Et un peu partout en Belgique, en fait, il y a pas mal de gens qui se disent « Mais en fait, ils en ont délogé une, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas cinq autres qui réapparaîtraient dans la foulée ?» Et on va se terminer sur cette expérience, la particulière de l'occupation de plus d'un an et de l'expulsion. Quelle piste de réflexion pratique pour le futur vous en tirez? Il y a peut-être des trucs que vous avez envie de dire par rapport à ça. Mais je pense que ce serait difficile de pouvoir donner une réponse d'une seule voix à cette question, parce qu'en fait, sur cette ZAD, il y a quand même un paquet de monde qui est passé, et un paquet de gens qui font aussi leur chemin de leur côté. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que il y a pas mal de gens d'un côté qui se sont dit « Eh, on n'est pas seul, en fait, il suffit qu'on s'organise près de chez nous pour organiser quelque chose de similaire. » Il y a d'autres personnes qui se sont dit « Eh, mais en fait, la répression est ultra violente, du coup, il faut qu'on s'organise face à elle. » Ça a donné un peu cette impulsion, j'ai l'impression, de vouloir s'organiser à plein d'échelles et à plein de niveaux pour faire face à ces projets de destruction, à se dire qu'en fait, on n'est pas tout seul, et loin de là, qu'une prise de conscience aussi, d'un autre côté, de plus général, l'autoritarisme dont fait preuve l'État face à tous ses opposants, et la violence qu'il peut mettre en place pour pouvoir les déloger. Ce qui est quand même aussi un pas important dans un pays comme le nôtre qui met tant en avant en fait sa démocratie, de montrer qu'en fait non, en fait le citoyen n'a pas de pouvoir tant qu'il décide de ne pas le prendre, et qu'en fait tout ce qui nous reste à faire, c'est de décider de le prendre, que ce soit à un niveau local, et de s'organiser directement par chez nous pour se réorganiser et d'avoir une force suffisante pour pouvoir empêcher ces projets-là. Après, qu'est-ce que, d'un point de vue presque plus personnel, cette ZAD nous a montré aussi qu'en fait, à l'intérieur du pays, il y en avait un autre qui existait déjà. Il y avait en fait toute une trame de soutien, de personnes qui veulent autre chose et qui sont prêts à le défendre bec et ongle, qui sont en train de se reconnecter les uns les autres, qui sont en train de en fait, recréer un énorme réseau. Et c'est ça aussi qui donne aussi une autre brèche, en fait, que cette ZAD et même son expulsion a permis d'entrevoir, c'est qu'en fait, il y a une autre carte qui est en train de se dessiner sur la carte du pays belge, parce qu'en fait, cette carte-là, elle ne respecte pas les frontières, elle va bien au-delà, et qu'on a encore un paquet de trucs à construire. Bon, mais merci beaucoup, les affreux salés méchants. Pourtant, j'ai un toc, je me lave les mains, hein, tout le temps. Hein. Defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta eraso mota ezberdinak daude gure inguruan, defendatu gorputza zure espazio segurua, defendatu lagunak da zaindu zure burua, defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta Poliziak ez nau zaintzen, nire lagunek bai. Askotan esan dut, eta esango dut orain. Poliziak ez nau zaintzen, nire lagunek bai. Erasoen aurrean, defendatuko gara. Erantzun kolektiboa, morroaren indarra. Autodefentsazio, violentzaz behar bada. Autodefentsa kada eskina satiak. Eh ben, tout d'abord, salut. Salut. Salut. On va discuter ici avec les copines de l'Amazon. Et donc, la première question, c'est pourquoi avoir fait la zone Amazon? En fait, il y a eu à un moment donné, assez rapidement, quand l'occupation a commencé, au final, un besoin qui s'est fait ressentir de créer une zone en mixité choisie, afin de pallier aussi le problème de sexisme et pouvoir aussi créer de la solidarité entre femmes minorités de genre et avoir un endroit aussi où les personnes pouvaient se sentir bien, en sécurité. C'est comme ça qu'a émergé l'Amazon. C'était une petite zone, du coup, délimitée plutôt vers l'entrée. Un peu isolée, malheureusement. Oui, un peu isolée. Et en fait, cette zone a quand même constitué pas mal de problèmes aussi entre copines. Parce que du coup, c'était pas... Enfin, les copines qui habitaient sur zone n'avaient pas spécialement le temps et l'énergie de construire une autre zone à mixité choisie, et en fait c'est plutôt des personnes à l'extérieur de la zone à défendre qui ont voulu construire cette zone là. Du coup en fait elle a mis quand même longtemps à se mettre en route, parce que du coup les copines sur zone ne ressentaient pas spécialement le besoin. Après, elle a permis de pouvoir créer des liens entre nous, permis d'avoir un lieu auquel on pouvait se réapproprier divers sujets, en fait, que ce soit la violence aussi, par exemple sur zone, où on s'est rendu compte que on était quand même en guerre contre la police ou en guerre contre le sexisme, et en fait on s'est retrouvé aussi dans ce lieu pour discuter de différents thèmes, de thématiques, etc. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Après, oui, il faut avouer que quand même cette zone n'était pas souvent occupée parce que le sujet principal de la lutte, il était vers l'extérieur, contre l'ancien monde. On avait une zone à défendre et créer, et à l'intérieur de cette zone, enfin, s'isoler dans une zone, dans la zone, c'était créer aussi d'autres... c'était créer un nouveau conflit qui n'avait pas lieu d'être, parce que l'idée, c'était d'être tous ensemble contre l'extérieur, plutôt. Mais clairement, ça a quand même donné un lieu où on s'est réapproprié plein de choses, et même maintenant que la zone est occupée par les flics, on a quand même gardé les liens entre ce groupe de meufs sur zone, et on continue à... on garde le rapport de force qu'elle nous a apporté, quoi. Après, pour moi, le combat féministe qu'il y a eu sur cette zone n'est pas spécialement lié à l'Amazon, en fait, parce que pas mal de copines, en fait, n'avaient pas spécialement envie, comme on a dit, s'isoler dans une zone toute seule, dans la forêt, où les flics peuvent arriver à n'importe quel moment. Il y avait ça aussi comme enjeu. Du coup, on voulait rester tous ensemble pour se protéger. Et du coup, en fait, ce qu'on a créé, c'est un peu une milice de meufs, entre guillemets, où en fait, dès qu'il y avait des hommes qui dépassaient certaines limites et qui agressaient certaines copines à nous, eh ben, on se mettait tout ensemble pour le dégager. Et du coup, en fait, ça nous a vraiment permis de se réapproprier la violence. Et en fait, je le répète, parce qu'en tant que meuf, la violence est quelque chose de compliqué, a toujours été difficile pour nous de se l'approprier bien. Et en fait, moi, cette zone, elle m'a permis de pouvoir, me dire que j'avais le droit d'insulter un mec qui dépassait certaines limites. J'avais le droit de pouvoir le sortir du lieu de la ZAD à n'importe quel moment, qu'on me demandait pas pourquoi ou etc. On me demandait pas de me justifier, et qu'en fait les copines comprenaient tout à fait. Et du coup, ça a été très important, je pense, pour nous toutes ici présentes et pour les autres. Je pense que l'Amazon, c'est vraiment, enfin, c'est important de construire certaines zones dans les lieux de lutte, mais qu'après il faut qu'elles soient vraiment en lien avec la lutte quotidienne, entre guillemets, parce que là on était dans une forêt, donc on n'avait pas le temps de construire, on n'avait pas le temps de s'occuper vraiment de cette zone. On devait d'abord se nourrir, d'abord construire des logements pour que tout le monde dorme, on devait gérer la communauté, et du coup s'isoler était quand même compliqué, mais j'ai l'impression qu'on a quand même pris du temps aussi, nous toutes, à certains moments de la journée, de nous retrouver ensemble, mais pas spécialement non plus dans cette zone, un peu partout. En fait, se réapproprier cette zone, enfin la ZAD d'Arlon, comme une zone, enfin toute entière, quoi. Comme une zone non patriarcale, je sais pas comment dire, mais... Mais bon, après, c'est un combat qui dure des années aussi, c'est de toute une vie. Voilà. Mais sur la fin de l'occupation, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop si c'est le fait que l'Amazon n'ait pas vu s'y ériger des cabanes en mixité incroyables. Enfin, il y a eu des constructions un peu expérimentales aussi qui ont eu du mal, enfin. Donc finalement, on voyait bien qu'on n'habitait pas là quotidiennement, mais après on employait cette zone, comme les copines disaient, pour se retrouver. Et sur la fin de l'occupation, on était en train de se dire, ok, bon, les beaux jours vont revenir, on va être plus que 15 pélos et pélotes en hiver, on espère qu'il y a des copines qui vont arriver aussi, on va reprendre cette zone pour en faire quelque chose qui n'allait peut-être pas être de l'ordre de manger, dormir, s'il avait, mais plutôt y organiser des moments conviviaux. Alors, où on était peut-être en train de se demander si on allait vraiment, pour pendant les événements organisés sur l'Amazone, garder vraiment une non-mixité choisie, stricte, mais si on n'allait pas aussi l'ouvrir aux hommes. Parce qu'après un an et demi d'occupation, il y avait aussi quand même, enfin, il y avait quand même beaucoup de copains qui commençaient à, qui comprenaient les enjeux, en fait, du sexisme qui se déroulait sous nos yeux dans nos vies communes et qui commençaient à, selon nous, devenir aussi des alliés. Et alors, ça aurait été des événements qui auraient été gérés, par contre, par nous, par les femmes, par notre petite milice aussi protectrice entre nous qu'on avait finalement créée. Et par contre, une fois la soirée terminée, enfin l'événement terminé, la zone reste un endroit où on dort en non-mixité choisie. Et donc voilà, on se demandait comment réintégrer cette zone aussi dans la collectivité en place. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter une autre manière de l'apprivoiser puisque la zone a été détruite. Il y a aussi dans cette zone, il y a eu la problématique de la construction, dans le sens où je pense qu'on n'est pas vraiment capable en tant que meuf de construire des cabanes au début, etc. On n'a pas toutes les connaissances et en fait ça a mis 6 mois, ou non, même plus, 8 mois avant qu'une cabane apparaisse sur cette zone, parce que du coup ça a été, enfin genre des copines ont essayé de construire quelque chose, mais ça n'a, enfin genre cette cabane ne tenait pas la route, ou voilà, enfin genre toute cette problématique a été quand même assez importante, parce que du coup, parce qu'on voulait pas avoir l'aide d'hommes, enfin... Mais en même temps, on avait besoin d'hommes pour qu'ils nous expliquent comment faire. Enfin bref, tout ça était quand même assez compliqué dans la mise en place de cette zone. Et voilà, j'avais aussi un truc de là. Vous pouvez un peu parler de comment ça se passait au niveau des tâches et des rôles, justement, dans le quotidien. Qu'est-ce qui était de la reproduction patriarcale ou du sexisme que vous avez pu vivre? Et puis, qu'est-ce qui était des fois justement des tentatives de dépassement de cette reproduction du sexisme? Moi, j'ai l'impression que le sexisme, il est partout et tout le temps. Donc c'est un peu bizarre comme question parce que oui, les hommes parlent fort, les hommes parlent beaucoup. Et je pense que partout sur la ZAD, oui, clairement, on a des grandes gueules. Qui sont présentes et qui ont du mal à faire parler les filles. Et les filles ont du mal à parler parce que les stéréotypes, quoi. Mais du coup, il y a ça. Puis il y a les tâches quotidiennes. Je pense que ça a quand même bien été sexiste. Enfin, ça a été un combat de tous les jours, assez compliqué. L'appropriation de la violence, parce que du coup, il y avait les gars bien armés, bien protégés, bien fort, bien machin, qui protégeait la zone, et tout ça, tout est sexiste aussi, tu vois. Mais en même temps, avec l'énergie de la zone, oui, et de la milice surtout, on s'est réapproprié les rôles de surveillance, oui, de ça, zone, oui. Et le fait de ne pas vouloir se reclure, ça impliquait aussi qu'on se battait en fonction de l'énergie qu'on avait, aussi avec le comportement sexiste. Ouais, c'est ça. On a plutôt affronté, enfin, aussi du coup, comme l'Amazone ne s'est pas, enfin, on n'a pas vu forcément naître une zone en mixité choisie, ultra peuplée par plein de personnes, on s'est vite retrouvé à quelques meufs aussi. Et du coup, à un moment donné, moi-même, je me suis dit, je ne vais pas aller me terrer au fond de ce bois là-bas, tout plein de tiques. donc, je restais avec les copains et au final, je n'ai pas eu trop le choix. Et je pense que c'est pareil pour nous toutes, quoi, de les confronter aussi. Et ça m'a appris beaucoup, en fait. Et puis finalement, on dialoguait et ils comprenaient aussi. Et donc, même s'ils sont dans des comportements assez virilistes, et effectivement assez garde du corps de la ZAD, il nous laissait aussi la place, en fait si on voulait faire la même chose on pouvait, quoi. Ouais, et ça c'est trop chouette parce qu'il y a vraiment eu un partage, et heureusement, heureusement évidemment. Mais j'ai l'impression que en tant que meuf on voulait mettre l'énergie de s'imposer dans la vie quotidienne, de dire en fait nous aussi on veut le faire et nous aussi on peut le faire et on va le faire. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est des meufs qu'on va se recluer dans une petite zone et on va essayer de combattre cette zone et ces policiers avec nos petits cabarets, quoi. Mm-hmm. Moi, sur la fin de l'occupation, j'ai eu l'occasion de partager des moments de vie avec, avec des hommes, du coup, de nouveau, que des hommes. Et même, je veux dire, dans les tâches quotidiennes, ils faisaient tout, quoi. Ils faisaient tout, et au final, on s'échangeait, on se rééquilibrait un peu les uns les unes les autres. Moi, ils me laissaient aussi, finalement, m'imposer, avoir de l'éloquence, m'étaler. Et puis eux, quand je leur faisais des remarques, ils comprenaient aussi. Et finalement, on essaie plutôt de se porter... Enfin, voilà, ça, c'est peut-être un propos un peu délicat à poser. Mais je pense, si je définis pas parfaitement le virilisme, je sais qu'on en a peut-être même pas tous et toutes la même définition, mais au final, j'ai l'impression que c'est aussi le fait d'étaler une certaine, de sortir de soi un peu, d'être éloquent, éloquente. Bah, en fait, je pense que d'une certaine manière, on peut se réapproprier une forme de virilisme en tant que femme aussi. Ça veut pas forcément être machiste et oppresser d'autres personnes, en fait. Ça veut juste dire oser prendre la parole, oser élever la voix. Bah, aussi s'imposer, quoi. Ouais. En tant que nous, en tant que personne. Ouais. Et ça, c'est hyper important, moi, je trouve, dans le combat féministe et dans, dans tous les autres combats, d'ailleurs. C'est vrai. Est-ce que c'est plus par cette méthode-là, je pense, qu'on va rééquilibrer les choses et que les mecs vont nous écouter si on s'impose, plutôt que en leur chuchotant à l'oreille et tu n'as pas respecté le temps de parole, laisse parler les filles. Ouais. Le truc infernal où on demande aux filles parle maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Ça, que... ça c'est très malaisant, quoi. C'est vrai que j'ai même plus envie de parler. J'ai encore eu l'occasion de le constater, là, ces derniers jours, à un autre endroit. Il y a un peu cette volonté de faire taire les hommes. Histoire que tout le monde se taise alors et que en fait on soit de nouveau équilibré, ou alors j'imagine c'est aussi du coup par volonté de, pour laisser la parole aux femmes, quoi. Mais du coup ça m'inquiète un peu. En même temps, je me dis, avec l'urgence qu'on est en train de vivre et le besoin de bouger les lignes qu'on ressent actuellement, on n'a pas besoin de gens qui se taisent, en fait. On a besoin de gens, hommes et femmes et autres minorités de genre, qui élèvent les voix, qui osent parler. Oui, on a aussi besoin d'avoir des codes pour s'écouter de manière équilibrée, mais Je crois que c'est ouais. Après, nous, on a vécu à la ZAD, donc c'est facile aussi de dire ça pour nous qui sommes devenus des sales bêtes parce qu'on a vécu avec plein d'hommes et qu'on était toutes seules un peu, on n'a pas eu trop le choix. Mais sales bêtes, affreuses et méchantes. Ah oui, affreuses, sales et méchantes, et très très méchantes. Parce que oui, ça a été aussi compliqué dans ce mouvement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Du coup, il y a des copines qui se retrouvaient à quatre pendant plusieurs mois sur cette zone. Et ça, j'ai trouvé ça très compliqué parce que je sais qu'il y a eu beaucoup... Il y a eu pas mal de critiques, en fait, sur la ZAD d'Arlon par rapport au machisme, etc. Mais il n'y avait pas... Ouais, les femmes qui étaient là voulaient se battre, mais elles étaient seules. Elles étaient assez seules dans leur combat. Et ça, je reproche ça aussi un peu au mouvement féministe belge, par exemple, qui n'ont pas aidé, en fait, qui n'ont pas du tout aidé ce combat-là, quoi. Et qui l'ont plutôt, en fait, dénigré total et qui ont laissé les copines seules. Et ça, pour moi, ça ne va pas, parce qu'il faut lier tous les combats. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a... Il y a eu une critique, effectivement, quoi, que la ZAD était vraiment une ZAD de machistes. C'est aussi la première ZAD de cette ampleur-là qui arrive en Belgique. C'est loin d'être la première lutte de territoire, mais bon, voilà, c'est... De cette forme-là, c'était une première, je pense, quand même. Et au final, il y a eu clairement beaucoup d'arrivages, beaucoup de gens qui sont venus, et donc aussi une bonne partie du mouvement féministe en Belgique qui est arrivée là. Et donc c'était aussi cette volonté-là de créer l'Amazone, et on était... Il y avait vraiment un mouvement qui se générait sur la ZAD. Et puis finalement, alors là, je sais pas trop expliquer pourquoi, je pense que logistiquement ça a été compliqué de la créer, ou alors il y a eu des tensions internes un peu. Peut-être aussi des questions de sexisme qu'on a tout apprivoisé aussi un peu différemment, et puis pour certains d'entre nous, on débarquait, enfin, moi j'ai débarqué là-bas, on parle de sexisme ou de lutte de territoire, j'étais une nouvelle née, quoi, donc enfin, il m'a fallu du temps aussi de vivre ma lutte aussi. Et de la comprendre. Ouais, et donc peut-être que finalement la ZAD a été dépeuplée par les femmes et minorités de genre parce que l'Amazone n'a pas été érigée parfaitement, enfin, de manière forte, mais enfin, en même temps... Personne nous a aidés non plus. Ouais, c'est un peu ça aussi, un peu l'impression, quoi. Ouais. Clairement. On nous a un peu laissés à l'écart. Et du coup, puisque je pense qu'on était toutes pas encore vraiment capables de porter un combat féministe, parce qu'on cherche, on se cherchait quotidiennement aussi, ben, ça a été compliqué au début, parce qu'on n'arrivait pas, on n'osait pas trop s'exprimer là-dessus, puisque tout le monde nous critiquait et disait que c'était une zèle de Matisse. Ben, du coup, on a eu fort du mal à pouvoir avoir notre voix et notre manière de se réapproprier le féminisme dans la ZAD. Parce que ben, mm-hmm. ça a été compliqué théoriquement. Pratiquement, après, je trouve qu'on a très bien fait ça. Je trouve qu'on s'est quand même assez soudés là-dessus et qu'en fait, il y a pas mal d'organisations quotidiennes qui s'est créée, mais très naturellement, en fait, dans les liens d'amitié, dans les rencontres, dans les partages, dans tout ça, qui a fait que ben, on s'est liés beaucoup plus face au sexisme quotidien et au machisme quotidien aussi. Et aux agressions sexuelles qu'il y a eu aussi sur zone, parce qu'il y en a eu. Du coup, on peut effectivement revenir un peu sur les agressions sexuelles et pas que, au final, qui ont eu lieu sur la ZAD. C'était des agressions de tout type, hein. Il y avait des agressions physiques, des agressions verbales. Parfois, pour certaines femmes aussi, c'est rien que les comportements masculinistes, parfois, qui sont des violences. Donc ça, c'est clair qu'il faut qu'on le comprenne tous et toutes, et tous aussi, surtout. Les premières agressions qui ont été révélées, qui se sont vécues aussi, parfois dans l'ombre, parfois en groupe aussi. Forcément, les premières fois, on ne sait pas toujours comment tout gérer d'un coup. Il est d'ailleurs arrivé les premières fois que ce soit même des hommes qui interviennent. Donc très vite, on s'est rendu compte entre femmes, après concertation, que en fait, de nouveau, on rentrait dans un cercle où en fait, on ne gérait rien et que du coup, c'était encore les hommes qui intervenaient. Enfin bon, il fallait qu'on parte à la reconquête de notre puissance et qu'on puisse réagir nous-mêmes. Donc on a commencé à développer ça petit à petit. Et ça allait de mieux en mieux, quoi. Voilà. Sur la fin, on avait vraiment réflexe, au moindre écho, ça prenait plus 3 semaines d'âger, est-ce qu'on vire cette personne, je sais pas quoi, là, sur la fin, on entendait parler de ça, le problème était réglé dans la journée, quoi. On les mettait dehors parfois même. Voilà. Souvent, d'ailleurs. Très souvent, presque à chaque fois, ça arrive, ouais. On les met dehors. En expliquant aussi à la personne, Bah parfois même pas, et c'est bien, oui, aussi. Parfois. Ouais. Fait du bien. Donc, ouais, moi j'avais l'impression que vers la fin de la zone, il y avait vraiment, vraiment une rencontre féministe qui s'est créée, dans le sens où, en fait, y a, comme tu dis, le problème se réglait en une journée, et par les femmes. Et ça, c'est quand même du bon boulot, quoi. Bah, du coup, effectivement, là, c'est des témoignages qui sortent de bouche du coup, de femmes ayant vécu à la ZAD d'Arlon. C'est quand même, du coup, un milieu assez particulier où on vit les choses très fort dans la pratique et qu'on n'a pas le temps de faire des grandes théories. Du coup, c'est vrai que, en tout cas, si je parle à titre personnel, y a des moments où je me sens pas forcément... Et c'est très triste, en fait. Je me sens pas forcément en coalition totale avec le reste, on va dire, du mouvement féministe en Belgique. Enfin, je pense qu'il prend plein de formes. Je pense que justement, en fait, le féminisme, c'est pas uniquement prendre conscience des oppressions systémiques, en fait, que les femmes et les minorités de genre aussi d'ailleurs subissent. C'est aussi pouvoir se réapproprier énormément de choses et pouvoir en fait réagir. Enfin, se conscientiser aussi avant tout et puis faire le choix en fonction de tout ce dont on veut faire le choix, en fait. Et du coup, effectivement, moi je me sens pas forcément dans un féminisme qui va aborder les choses de manière très structurelle, mais j'ai conscience aussi que, oui, par exemple, mes amis hommes ne sont pas parfaits, parfois c'est des machos, parfois ils ont pas les bons vocabulaires, ils ont encore des vieux relents, des quartiers là où ils balancent des mots qui percutent certaines personnes, et on en parle entre nous. Bon, c'est difficile de leur arracher à la bouche aussi. Parfois, moi-même, je me rends compte qu'ils ressortent encore. C'est compliqué parce que, voilà, du coup, c'est de nouveau ce système qui nous a inculqué tout ça. Mais J'ai l'impression que la manière dont se positionne une partie du mouvement féministe va aller rejeter énormément de ces individus. Et parfois ça m'effraie un peu parce que j'ai l'impression qu'on se renferme sur nous-mêmes et qu'on a l'impression que le sexisme nous dessine de A à Z comme si on était condamnés, quoi. Et donc parfois j'ai pas envie en fait de le vivre au quotidien tous les jours et de le ressentir comme si j'étais une femme condamnée, quoi. Et pas, tout simplement ne pas être une victime. Ouais. Et en fait, moi c'est vraiment ça que je retrouve avec les copines de la ZAD, c'est qu'en fait on n'est pas des victimes mais on... Et on va s'imposer en tant que nous et en tant que personne. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans les luttes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, la ZAD s'est fait expulser, mais il y a toujours cette petite amitié qui est présente, à laquelle on se retrouve quand même beaucoup. et du coup, on va essayer de créer un peu une revue sur ce qu'on a vécu à la ZAD, sur notre vision du féminisme, voilà. Ben merci. Ben merci à toi. Des décibels, des pages, soutenir, à peine fini, les vis et les versa, qui baissent sur les ondes, les cris dans les feuillages, les mots dans les carnets, respire, oser avec timidité se montrer, vu qu'on sait qu'on est beaucoup plus que ce qu'on montre, l'indifférence, quelle différence. Mystère au ministère de la résidence. Les idées défilent, la police balaie, les gens, le doigt sur la machette. Les ruines se dessinent, plaisir futile et places de parking, désir inutile. Je crois que vous êtes garé sur mon emplacement. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Vous êtes à la place de mon désir. Vous ne pouvez pas jouer ici. D'accord. Non. J'irai jouer ailleurs. Certainement pas sur mon parking de supermarché, où des rêves de millions déciment la vie des champignons, les feuilles sur la peau d'automne et quelques abris de personnes. Après, vous savez, c'est selon, monsieur. Comment ça, selon ? Selon les syllabes et les gens que l'on rencontre. On partage bien plus qu'un fond du monde, bien plus qu'un fond d'absinthe. Non, ici, c'est chacun son jardin. Et cette goutte, on la partage, le fond d'absinthe vous tourne l'estomac, monsieur, et les narines. Des myriades de mondes s'entremêlent, se croisent dans vos racines. C'est drôle la fête, je nage entre le chaos et le calme, la tête s'en va au gré de la musique. Est-ce que je suis là ou est-ce que je suis parti ? Est-ce qu'on raconte, on le fera peut-être. Bah ça me stresse alors. Est-ce qu'on admettrait de placer le rêve à l'ombre de ce qu'on sait qu'on va faire ou de tout ce que l'on ignore. C'est vrai que j'espère quand même que j'aurai toujours envie de certaines choses même si j'ai peur de ne pas les faire. Ah ouais, est-ce que la peur est une barrière? Faire briller les lumières dans la poussière, pousser dans tous les sens l'art de la résilience. Armée forte et puissante, un seul cœur pour défendre la dignité qu'elle porte à bout d'existence. Zone à définir sur les ondes, des décibels, des pages à peine finies qui baissent sur les ondes. Alors pourquoi s'égarer dans les discordes? Chaque place trouve son sens, au-delà des mots il y a le moment, c'est immense. Oser avec timidité vu qu'on sait qu'on est beaucoup plus que ce qu'on montre. Chaque seconde compte comme une nouvelle chance, une nouvelle vie pour une nouvelle danse. Ah, le monde. Cette grande chanson dans laquelle on danse, on tombe, et j'imagine au fond de ma tête un petit bout de monde où on s'installerait mettons, ça serait ces mois d'été qu'on appelle les vacances. Les grandes vacances dansent dans l'obsolescence. Faut qu'on respire dans l'urgence. Le béton contre la sueur de ton front. Quelques poumons en voie d'expulsion. La résistance expérimente la puissance du monstre. Alors peut-être une zone à définir sur les ondes. Des décibels, des pages à peine finies qui baissent sur les ondes. Des dates à placer, un rendez-vous entre les lignes. Face à la fronde, la mascarade tombe devant les barricades. Patience. Patience. Dire qu'il y a 10 minutes, j'hésitais à définir une date pour une occupation d'un terrain que je ne connais pas. L'espace est vague, le terrain est large. Chaque arrêt est un départ. On n'a pas encore touché le fond. Persistance dans nos mémoires qui s'effritent sur le rocher du temps. Nos rétines collées sur la vitrine. Des nuées de pavés s'évadent de la cage dorée qui s'égratigne. Alors je me demande, est-ce que j'ai raison? Mais je m'enfonce dans le son. Même si ça déconne, je goûte à la dérive. Les rimes, ça sert à rire ainsi qu'à éclater les codes. Si la terre s'agite, j'aime en faire partie. Ici la terre, ma voix décolle pour que j'atterrisse. Y'a plus vraiment de marge. C'est tout le monde qui bouge en même temps quand le sang de nos germes nous menace. Alors peut-être zone à définir sur les ondes. Des décibels, des pages à peine finies qui baissent sur les ondes. Ode à la vie sauvage, même si la vie peut être triste et rieuse. J'aimerais colorier ma page et sa marge avec une résistance lucide et joyeuse. M'écarter de la misère isolée dans une vie laborieuse. Saboter sans se baisser, ni mettre à l'abîme l'enfant blessé par la vitrine en papier mâché que la vie dessine. Des dates, le choix dans la date. Entrer, c'est par ici. Parler dans les petits trous, vous verrez des chapeliers fous danser parmi les loups. Route Saint-Genèse, chaud comme la braise. B118 en direct de Radio Air Libre pour La Cloche de Bois. On continue avec House in Day. Donc, on est en direct ici de Trône pour l'action Housing Day. Et donc, on voulait savoir si tu peux parler de la situation du logement à Bruxelles, la difficulté de se loger pour tout un chacun et plus particulièrement pour les sans-papiers. Et aussi un mot par rapport aux différentes réquisitions qui ont eu lieu ces derniers temps. Ok. Bon, je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'état du logement à Bruxelles, mais de ce que je sais, il y a des chiffres qui sont sortis là en 2020 qui disent que le mal-logement et le sans-abrisme a augmenté et très fort. Et en plus, ce chiffre est minimisé par le fait que le moratoire anti-expulsion a empêché toute expulsion depuis maintenant un an. Donc l'état du logement, il est désastreux et en pleine crise, en pleine pandémie, pour les sans-abris, c'est encore pire. Pour les sans-papiers, c'est encore pire puisque ils se retrouvent à la rue et sans aucun moyen de trouver un logement. Et c'est donc face à ça que la campagne de réquisition solidaire s'est mise en place. Et donc voilà, on essaye d'ouvrir des bâtiments pour les sans-papiers. On en a déjà ouvert quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont foiré aussi. Mais voilà, on continue dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, spécialement pour la journée. Pour le 28 mars, la journée du droit au logement, on pense que c'est une bonne journée pour agir et pour faire des actions concrètes. Donc voilà, on attend de voir ce qui va se passer aujourd'hui, mais plein de surprises au programme. Pour l'occasion d'amener une radio, on va émettre sur le 88 FM. Donc on va ainsi lancer en place, vous pouvez tester. Et l'idée, c'est qu'on invite tout le monde à suivre le pistac, c'est de laisser devant, on fera une visite guidée, on va un peu parler des questions du droit à la ville, de la qui profite de la construction de Bruxelles, telle qu'on la connaît actuellement. Et vers 13h, on va faire une pause pour manger, et après, toutes les personnes qui nous disent rejoindre le rassemblement officiel de la ville. En tout cas, merci déjà d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à venir de grand matin, malgré l'heure perdue de sommeil. Félicitations. Ouais. Position solidaire. Position solidaire. Position solidaire. Position solidaire. Position solidaire. Position solidaire. Donc il y a environ 45 minutes, la balade cycliste revendicative pour le droit au logement s'est arrêtée ici à l'intersection entre rue de Livourne et la rue de Fax pour assister et soutenir la sixième grande ouverture de la campagne de réquisition solidaire. Il s'agit ici d'un bâtiment qui au bas mot fait 1000-2000 m² et qui est vide depuis plusieurs années, qui appartenait avant à l'État fédéral et qui a été revendu à la quatrième famille la plus riche de Belgique, qui est je pense actionnaire majoritaire de multinationales telles que AB InBev. Et donc ce bâtiment-là a été réquisitionné pour permettre de loger plusieurs familles de personnes sans papiers et des collectifs de jeunes personnes précaires qui cherchaient aussi un moyen de se loger à Bruxelles. Et donc ici, il s'agit de la dernière grande action de la campagne de réquisition solidaire avant que la campagne s'arrête pour éviter de se perdre dans une forme d'institutionnalisation ou de récupération politique. Donc l'idée, c'est un appel à toutes les personnes qui le veulent de s'emparer de ce moyen d'action-là et aussi une invitation au pouvoir public de prendre activement le problème du logement à bras-le-corps. On sait qu'il y a des milliers de bâtiments, voire des dizaines de milliers de bâtiments vides à Bruxelles et il faut malheureusement, chaque fois que des personnes prennent des risques légaux, pénaux même, pour les ouvrir et pour permettre de loger des personnes mal logées. Or, il existe des moyens légaux et que les communes ont le pouvoir, la possibilité de réquisitionner des bâtiments. Et c'est juste que c'est complètement affligeant de voir qu'à l'heure du Covid et de la précarisation hyper importante de plusieurs dizaines de milliers de ménages, on assiste toujours à cet immobilisme politique qui pousse les gens de plus en plus à la rue. On sait que maintenant que le nombre de personnes sans abri a monté d'au moins 30% en 3 ans et la situation n'est pas prête de s'améliorer et donc on demande réquisition des bâtiments vides, encadrement et réduction des loyers, construction de nouveaux mouvements sociaux et entretien des logements sociaux actuels et surtout une grande réflexion de fond sur la question de la propriété privée et de l'importance de mettre le droit au logement au-dessus de ce droit sacré qui est la propriété privée qui n'a aucun sens à l'heure d'aujourd'hui. Donc, dans le cadre du Belgian Housing Action Day, qui est une grosse journée de mobilisation européenne pour le droit au logement et pour soutenir plein de luttes différentes liées au logement, il y a eu un appel à action décentralisée à Bruxelles, parce que normalement, il devait y avoir une grosse manifestation. La grosse manif ne pouvait pas avoir lieu. Et du coup, il y avait un rassemblement à la place du jeu de balle qui était organisé par les assos plus institutionnels qui travaillent autour des questions de logement. Et l'appel à action décentralisée a été suivi notamment par la campagne de réquisition solidaire et Action Logement Bruxelles qui ont organisé une balade à vélo, logement pour tous et toutes. Comme il n'y a pas moyen de faire une manif, bah, y a toujours moyen de faire des balades à vélo. Et donc il y a une centaine de personnes qui sont parties de cette balade à vélo. On est passé dans certains points, certains endroits clé à Bruxelles, de la gentrification, machin. Et cette balade à vélo s'est terminée par l'ouverture d'un squat qui se trouve rue de Fax, au croisement avec l'avenue Louise. C'est un énorme bâtiment sur un petit pâté de maison qui appartient à une des fortunes les plus riches, une des familles les plus riches de Belgique. Quatrième fortune, il me semble. Et donc voilà, ce bâtiment est occupé depuis le 28 mars. Enfin, il accueille pour le moment une vingtaine de personnes qui sont en train de s'installer. Et petit à petit, il y a 80 personnes qui vont habiter là-bas, plutôt des collectifs issus de VSP Berkem, VSP Molen et d'autres squatteurs, squatteuses. Et là, on est le 11 avril, et donc la situation actuelle, c'est que les gens sont en train d'arriver, que la famille qui est propriétaire a dit aux occupants via sa fondation qu'ils pouvaient rester, qu'il y avait une convention qui pouvait être signée et que voilà, il y avait moyen de négocier quelque chose pour que l'occupation puisse tenir un moment certain, un ou deux ans a priori au moins, à condition que la campagne de réquisition solidaire retire le post Facebook où elle trashait un petit peu la famille 4e fortune plus riche de Belgique, où il y avait une photo aussi qui ciblait nos ennemis, quoi. Voilà. Et donc, c'est la condition pour entamer les négociations, c'est de retirer cette publication. Ce qui a été fait. Et en rentrant de la Housing Action Day, dimanche passé, je suis passée par le canal et il y avait une expo sur la gentrification ou gentil fric action faite par le syndicat des immenses. Alors immense, ça veut dire individu dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. Dénomination des personnes autrefois appelées SDF, sans abri, sans papier, précaires ou habitants de la rue. Et vous savez tout retrouver sur le site web syndicatdesimmenses.be. Alors, l'expo, c'était des pancartes avec vue sur le canal, zone immensément gentrifiée. Leur discours, mixité sociale, la réalité, inégalité sociale. Leur discours, optimisation de l'espace, la réalité, apartheid économique. Leur discours, storytelling, la réalité, histoire brisée. Leur discours, vivre ensemble. La réalité, mourir seul. Projet durable, invasion permanente. Co-construction de la ville, expropriation des vies. Ouverture de l'espace, exode humain. Voilà, maintenant on vous propose la visite d'un bâtiment fraîchement ouvert. Je ne citerai pas d'adresse ni de nom, donc ce sont les premiers sons enregistrés malheureusement au smartphone avec les quelques personnes qui étaient les premières présentes. Il y a même la peinture à la dame. Je sais pas, non, il y a quand même des grosses traces. Ouais, ça a l'air pas de travaux. Ouais, mais en fait, ça a été abandonné, je pense, en cours des travaux. Okay. Parce que le gars est tombé en faillite. Enfin, c'est un archi, il a commencé à retaper. Mais en fait, ça pourrait être un bon plan. Putain, mais c'est trop cool. Il faudrait faire venir à l'est. Terrasse, en fait. Ça dépend de ce que vous pouvez avoir, parce que si l'électricité, tu vois, est presque finie. Ouais. Ah non, mais l'eau n'est pas encore montée, quoi. Ah, ok. Tu vois, un peu comme un banana ice, quoi. Il n'y a pas d'eau. Tu crois? Banana ice? Non, regarde, le feu d'eau. Ça, c'est l'eau chaude et trop froide. Ok. Et donc, du coup, ici, ça peut monter pour aller jusqu'au. Oh putain. Jusqu'au bullet ici. Donc là, t'as des arrivées d'eau, donc peut-être que t'as de l'eau ici en haut. Uh-huh. Déjà, ça vous demanderait des travaux, quoi. Et électricité, il y a, et tu crois? Électricité, oui, il doit y avoir, parce que s'il y a ça, c'est que les fuites sont branchées derrière. Donc, à mon avis, ouais, toute l'électricité, elle doit être. Je ne mets pas l'eau en haut, t'as de l'électricité. Ok. Vous avez regardé s'il y avait un permis ou pas? Il n'y a rien. C'est vrai que s'il avait déjà fait les travaux. Il avait vraiment dû. Ah ouais, putain. Tu vois, avec le dos là. Faudra refaire les planchers, quoi. En fait, ça dépend. Mmh. Ça dépend un peu de si vous décidez de rester ou pas. Parce ouais. Que si vous décidez de rester, s'il y a aussi peut-être une stratégie de ne rien prendre. Ouais. Au cas où ils auraient. Une idée précise de ce qu'il y a. Ouais. Bah en vrai, si on décide de ne pas rester, c'est vrai qu'on peut prendre un peu de mal aussi. Ouais. En bas, il y a trois espèces de caves. Ouais, il n'y a pas de vin? Non. Je ne veux pas rentrer. Je pense que c'est bien. Ah, mais attends. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont rentrés, ouais. Qui ont dû abandonner en fait. Ouais. Peut-être justement à cause de peut-être. Ou alors c'est ça pour le graffiti. Ouais. Parce que sinon il et date. Pour la porte aussi. Oui, c'est vrai pour la porte. Ouais. Parce que vu comment ils ont mis la planche là. Ouais, mais je vais le bloquer avant d'arriver à la fin, en plus. Elle est trop grande. Elle est trop grande. devant, mais celle-là, je ne peux pas rentrer. C'est bizarre. Bah, à la limite, tant que c'est pas rodé et que tant qu'on est en sous-marin, peut-être. Ouais. La décision entre vous. Ouais. Vous osez de venir et de prendre la décision ensemble. Ouais. Face à ça, qu'est-ce que vous faites, quoi. C'est intéressant aussi comme, ouais, comme situation. Et voilà, c'était À la cloche de bois. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir à toutes et tous. Plein de bisous. À bientôt. Merci pour l'écoute. On vous aime. On est tous des cloches. Ding dong. Roi de Saint-Genève. Vous étiez à l'écoute de À la cloche de bois sur Radio Air Libre, Radio Campus, Radio Panique. Et dans quelques instants, une petite dédicace spéciale à la 404. Things feel empty lately. You have put your dreams to sleep, Malcolm. Perhaps in this post-anal retentive phase, the relocation of your head inside your rectum has indeed evoked feelings of hollowness. There's something wrong out there, sir. What do you mean? Everybody's losing their faces! We really ought to investigate, Malcolm. I'm pointing at my head. I realize but I could get him set. What are you gonna go for? What are you gonna go for? What are you gonna go for? Revolution action!